Je suis celui que personne ne comprend, peu d'amis, seul la plupart de son temps. Celui qu'on a mal bercé dès l'enfance, à qui la maman a dû souhaiter bonne chance. Je suis celui que le sort malmène, je ne serai sûrement pas celui qui se plaint. Il en faut peu pour que déborde ma haine, mais pour l'instant je fais celui qui se retient. Je suis le feu qu'on regarde à peine, affaibli mais le fois d'où fait que la flamme s'est jamais éteinte. Je serai mieux quand la lune sera pleine, dans la nuit le garou solitaire peut chasser ses craintes. Celui qui n'a pas de famille, peu d'amour et plus beaucoup de croyances. Désolé si j'ai la drague facile, c'est pas le cas concernant l'achat d'une alliance. Celui qui n'attend de la vie plus grand chose à part la récompense. Aux épreuves passées aux montagnes gravies, le parcours a commencé très loin de France. Celui qui est fait pour une vie de nomade, qui connaît les temps de guerre tant maussade. Mec, le terrain n'a rien en commun avec tout ce qu'ils appellent un trentenaire normal. Celui pour lequel il n'y a aucune case, aucune aide et vole petit oiseau mais dur quand on lui ôte une aile d'échapper au barreau d'une cage. Celui pour lequel il n'y a aucune case, aucune aide et vole petit oiseau mais dur quand on lui ôte une aile d'échapper au barreau d'une cage. Je suis celui que personne ne comprend, peu d'amis, seul la plupart de son temps. Celui qu'on a mal bercé dès l'enfance, à qui la maman a dû souhaiter bonne chance. Celui que le sort malmène, mais je ne serai sûrement pas celui qui se plaint. Il en faut peu pour que déborde ma haine, mais malgré tout, je suis celui qui va leur prouver qu'ils ont tort. Celui qui mordra fort quand on l'attaque. Celui qui sera pas là où tu l'attends. Et celui qui au dark a répondu va. Je suis celui qui reste et si j'ai su tirer le son, c'est que l'autre issue c'est la mort ou l'ivresse. Et que même si je suis rescapé, pas de message de détresse. J'ai capté que j'étais le seul capitaine. Je suis celui qui jettera des pavés dans la mare jusqu'à ce qu'elle en ait marre des pavés. Celui qui verra le monde à défaut que le monde ne le voit. Je suis le dégât des années, désormais j'accélère à toute allure. Des fois prends le temps de marquer des arrêts, ne jamais appeler l'air qu'on respire pur et que des petits frères grandir sans leurs aînés, mais les ont rendus fiers de mon futur. Je suis l'architecte, j'ai pas le plan détaillé. Je suis celui qui teste et celui qui rature mine grise, mais sur mesure et bien taillé. Désormais, je suis chef de ma sculpture. Peu importe qu'ils comprennent pas mon art décalé ou la culture que j'ai dans les gènes. Condamné à l'échec, je suis pas Charlie, je suis Kerry James. Désormais, liberté totale, fini les galères quand t'as validé le quota. Arrivé mon heure, dites-leur que mon œuvre était celle de deux orphelins partis de Bogota. Partis de Bogota. Parti de Bogota. Et que si d'où l'on vient détermine qui l'on est, j'étais celui qui souffre. Seul où l'on va dira qui l'on devient. Je suis celui qui le prouve.